nouvelle vague, Christophe Pesset sur Sorgia FM. Il y a des époques pour tout, mais il y a surtout des belles époques, celles de l'accordéon. La belle époque, c'est maintenant qu'on va l'écouter avec Christophe. Eh bien, tu crois pas si bien dire, puisque le titre, justement, de l'orchestre s'appelle La Belle Époque. Mais dis donc, tu l'avais lu avant que je le sorte, mon album. Non, mais je suis devin. Avec Jean-Yves Lemasson, qui en est, eh bien, on peut dire le chef d'orchestre. On va tout de suite écouter la valse irlandaise. C'est une composition avec un arrangement de Jean-Yves Lemasson. Alors Arlette, où nous emmène ce voyage cette semaine ? Notre petit voyage en arrière nous amène cette fois en 1962. Cette année-là, premier essai de transmission de télévision de l'Amérique à la France par le satellite Téléstar. Je ne vous entends pas. C'est le début de la Mondovision, oui. Et c'est toujours en 1962 qu'est diffusée la toute première émission de Bonne Nuit les Petits. Bonjour. Souvenez-vous, c'est Gros Nounours qui accompagne le marchand de sable sur son nuage afin de dire bonsoir à Nicolas et Pimprenelle. Bonsoir. Cette émission durera 10 ans. Ah, oui. Bourville, lui, tient toujours la tête d'affiche. Oui, Bourville. Il nous fait danser le tango avec un clair de lune à Maubeuge, que l'on danse encore aujourd'hui, bien sûr. Allez, on y va. Un clair de lune à Maubeuge.

l'amour, l'amour. L'amour c'est vivre, vivre, vivre, vivre le cœur libre, libre, libre, libre de recommencer. Oublie celles qui m'ont fait pleurer. L'amour c'est vivre, vivre, vivre, vivre le cœur libre, libre, libre, et puis se jeter encore au feu d'un nouvel amour plus fort. L'amour c'est vivre, vivre, vivre, vivre le cœur libre, libre, libre, libre de recommencer. Oublier celles qui m'ont fait pleurer. L'amour c'est vivre, vivre, vivre, vivre le cœur libre, libre, libre, et puis se jeter encore au feu d'un nouvel amour plus fort. Accordéon Nouvelle Vague, Christophe Pesset sur Sorgia FM. Ah, j'apprécie beaucoup, moi, cet orchestre La Belle Époque, on va en profiter encore un petit peu. Mais dis-moi, Hubert, entre nous, tu as quel âge? Parce que le prochain morceau, j'ai l'impression qu'il est fait un petit peu pour toi. Vive la retraite! Ah bah merci, non, je n'y suis pas encore. Hein. J'ai encore au moins 2 ans devant moi. Bon, eh bien, tant pis, on l'écoute quand même. Vive la retraite! Avec repos mérité, et pour mettre de l'ambiance, tous en cœur on va chanter. Vive la retraite, nous sommes heureux, on peut faire la fête, et c'est merveilleux. On part en vacances avec les copains, et souvent on danse, toujours plein d'entrain. Voyage sans être vraiment pressé. Tout faire du jardinage, c'est très bon pour la santé. Et jouer à la pétanque avec bonheur et gaieté. Et cette vie passionnante vous donne envie de chanter. Vive la retraite, nous sommes heureux. On peut faire la fête et c'est merveilleux. On part en vacances avec les copains, et souvent on danse, toujours plein d'emprunt. On part en vacances avec les copains, et souvent on danse, toujours plein d'emprunt. Vive la retraite, nous sommes heureux, on peut faire la fête, et c'est merveilleux. On part en vacances avec les copains, et souvent on danse, toujours plein d'emprunt. L'univers d'Arlette sur Sorgia FM. 1962 est la grande période du twist. Et puis, Cora Vauquer nous fait valser avec cette très jolie chanson « Le tourbillon de la vie », créée quelque temps auparavant par Jeanne Moreau. Mais j'aime bien cette interprétation de Cora Vauquer. « Le tourbillon de la vie », on l'écoute. Je

Alors c'est maintenant sur Sorgière FM, Hubert Ledent. Allez, un petit Fox, ça fait du bien aussi, ça. C'est Jean-Michel Sonnera aussi qui nous l'interprète, ce petit Fox. Et puis juste après, on retrouvera notre ami André Sylvain avec une très très jolie chanson que vous allez certainement apprécier à sa juste valeur. Allez, on écoute tout ça. C'est parti, vas-y Jean-Mi. Un nouveau nid. Ce soir l'espoir m'est revenu, même si ma vie est à l'automne. La peur en moi est disparue, la joie de vivre tu me la donnes. Prends ma main, tiens-la plus fort. L'amour triomphe de la mort. Fais que le temps n'existe plus, pour que la vie continue.

Sorgia FM, Hubert Ledon. C'est vrai qu'elle était jolie cette chanson et merci Arlette, on se retrouve aussi la semaine prochaine. On va continuer une petite balade sur le pont des amours et juste après on va se dire au revoir. Et oui, il est temps de se dire au revoir. A tout de suite, bien sûr, on a encore un tout petit peu de temps, on en profite. Profitons du pont des amours, ça se trouve à Annecy bien sûr. Sur le pont des amours, on voit depuis 100 ans s'enlacer les amants, de l'aube au petit jour. Ils vont y faire un tour, en se faisant le vœu de rester amoureux et de se faire la cour. Au moins pendant 100 ans, oui, le pont des amours depuis longtemps savoure ses passions de roman et les baisers de cœur leur porteront bonheur. Car le pont des amours, ça rime avec toujours. Sur le pont des amours, parfois l'on s'imagine que son reflet dessine un signe de velours qui s'en va faire un tour, rejoindre son aimé sur le lac irisé en faisant des détours vers le pont des amours. Poète et musicien, le chant et l'air de rien deviennent troubadours, et au son du biniou, comme une portée, le tiou emmène sur ses eaux les chants comme un cadeau. Et bien voilà, c'est terminé pour cette semaine. J'espère que vous avez passé un bon moment, j'en suis certain même. Allez, on vous dit au revoir, on vous embrasse et puis on vous dit surtout à la semaine prochaine. Ne manquez pas la prochaine aventure de cette émission Dansez maintenant. Ciao, ciao, bye bye. Bientôt les amis, Tendance vous remercie d'être venu danser, chanter. Rentrez bien, dormez bien, car la danse c'est pas rien. Et rendez-vous dimanche prochain. A bientôt les amis, Tendance vous remercie. Et c'est fini pour aujourd'hui. C'est toujours plein d'entrain qu'on chantera ce refrain. Et rendez-vous dimanche prochain. J'attends le samedi pour danser la country et le dimanche pour balancer des hanches avec Hubert, avec Eric. On passe un moment sympathique. A bientôt les amis, Tendance vous remercie d'être venu danser, chanter. Rentrez bien, dormez bien, car la danse c'est pas rien. Et rendez-vous dimanche prochain. A bientôt les amis, Tendance vous remercie. Et c'est fini pour aujourd'hui. C'est toujours plein d'entrain qu'on chantera ce refrain. Et rendez-vous dimanche prochain. Sorgia FM. Sorgia FM.